texte qui jette neurones pour m'en rappeler. Pourtant j'ai toujours pas de scud qui circule à Châtelet. Acharné du couplet, Jacques Charlet me rend tout gaze. À charger mes cahiers, j'ai charmé Claire Fontaine. J'ai 10 ans d'âge mental, esquivant large en salaire. Je m'en barre, je mets des gentleman, je m'en tape. Et gendarme, j'entame un genre d'arche en dame. Rêvant d'un monde sans larmes, donc sans marche en d'armes. Les gendarmes se saoulent, les gens se marchent dessus. Sur marche des saouls, quand Van Damme rechute. Et si je t'en parle en large, en long et en travers, c'est que j'en ai marre de voir que rester sage est un bras de fer. Et si demain je pouvais me lever loin de tout, c'est vrai au final, est-ce que j'ai besoin de vous? Parcourir la terre, rencontrer l'humanité, et au fil des cratères, grimper en humilité sur tous les continents, y poser mon 47, même dans les coins reculés, les laisser en carence d'être, où souvent la coupe est vide, même si en apparence pleine, où les gosses ont un gros bide, que le CAC 40 crève. Destin scellé à la naissance, c'est les mêmes comme un empadeau. Velard parle pas du prix de l'essence avec quelqu'un qui n'a pas d'eau. La même souffrance de abêché à coma. Allez dire aux responsables que les péchés ne se gomment pas. Soldats sortis du placenta, Maï Maï ou Jeanne Jaouit, tu sais que Kerry ma rage tient pas. Dans un joint d'huile, liberté en panne. Mais suffit pas d'un garagiste, Liberia, où les esclaves devenus esclavagistes, ils nous tuent à petit feu. Tchernobyl et Bhopal, mais l'ONU ferme les yeux, Playmobil de Total. Et si demain ça ne pouvait être qu'un mauvais rêve? Décidément, le marchand de sable est en grève. Mais tu sais, pour voir des morts, pas besoin de quitter le pays. Un voyage sur LCI et tu vis un réel séisme. Enfin, seulement que des touristes y ont planté leur parasol. Sur Bangladesh, le Bangladesh, c'est mort, il est parasol. C'est vrai que ça passe mal à l'image, des cadavres sans mon oeil. Mon oeil faudrait pas salir les rivages du club Med de Hanoï. Pas non plus vide et les piscines, des grands hôtels de Marrakech. Le pays a besoin d'eau, mais nos clients de graines à pêche. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Au fait, j'oubliais un petit détail. Tu sais, en France, les plus gros monstres sont pas psychopathes. Envoyez les dons et on vous montre un petit myopathe. Aidez les dons. Allez, crachez les ronds au téléthon. Alors regardez, ce n'est pas elle, mais moi qui rends ma télécon. Téléthon, la rançon à payer pour être aidée. Mais on connaît la chanson et de quoi elle pourrait traiter. Toujours la même rengaine. Et si demain je partais en Guinée, histoire d'oublier que mon moral est chez le kiné. La France, heureusement, je l'aime, sinon j'aurais dû la quitter. Mais vu que je suis français, où est-ce que j'aurais pu habiter? Après, je rentre pas dans les délires, style ton père était hongrois. Parce que c'est du racisme, contrairement à ce que l'on croit. Mais en mode parano, je dois t'implanquer des rurties. On récolte ce que l'on sème, fallait pas planter des orties. Et si les jeunes à qui t'as mis un frein à chaque tibia, crame des caisses entre amis, c'est qui aime bien, châtie bien. Y'a chômage en naissance, mais le suicide recrute. Marianne est notre mère à tous, au pays des fils de pute. Mais assez par les droites, ce serait te faire trop d'honneur. Et si demain je te vois, bah t'auras droit qu'au doigt d'honneur. Alors je reprends ma route, de l'espoir dans le sac à dos, pour en redonner à tous ceux à qui la vie fait pas de cadeau. A commencer par le Tibet, la Tchétchénie, le Cachemire. Ceux qui volent l'arbre, pas la forêt, pas les étoiles que Cachemire. Des gosses te font des Nike, ou les potes qui toute la zig, personne boulot, ciao. C'est l'hymne de toute l'Asie, c'est un classique. Mais leur pipeau et tout se font chanter. Les quatre saisons de Vivendi, au boléro de Bolloré. Une dette envers la terre qu'on n'est pas prêt d'honorer. Il y a de ces aurores boréales que même l'Oréal ne peut pas recolorer. Veolia joue les messies, il faudrait les remercier. Quand notre pluie devient payante et n'arrose que le compte à Messier. Ou monsieur, j'y vois le déclin de ces murs qui nous portent. Du 9-11 de Berlin au 11-9 de New York. Non croyant mais bien voyant, préférant mordre qu'aboyer. L'avenir a un gun à la tempête, à deux tours d'appuyer.